ramassé après tempête, plié en un comme les bras et tête, un sinaki, un petit tête, posé sur le rebord de la fenêtre. Le petit bonhomme rempli de fer, imperturbable, il garde la peau. Il a tant de choses à faire, mais ça ce sera.